éléments. Tonaille ? Oui. Si je te parle de culpabilité, oui. Ça te fait penser à quoi ? De quelque chose qu'on regrette. Je veux dire, il n'y a rien par rapport à moi où tu te sentirais culpable ? Je me sentirais culpable. Mmh. Si, peut-être des fois d'avoir dit des dingueries, d'avoir pourri un peu ton émission ou d'être passé préféré devant toi et peut-être. C'est vrai que pour certains, tu es le préféré. Après, c'est vous qui le dites, hein. Moi, c'est pas moi qui le dis, hein. Je valide pas ça. Non, mais c'est pas moi qui le dis, hein. D'ailleurs, tu as pu noter que quelqu'un est venu méga prendre ta défense aujourd'hui. Oui, ça, par contre, j'ai apprécié. Ça fait plaisir. Oui, mais même s'ils ont. Enfin, bon, bref, on en reparlera, mais le truc était un peu hors de temps parce qu'il avait l'air de nous donner raison à tous les deux, si tu regardes bien. En gros. Parce qu'il dit. Non, je regarde pas. Ah, ok. Moi, des fois, je ferme les yeux. Ça peut être utile, t'as vu? Enfin, tout ça pour te dire que la culpabilisation est une forme de chantage émotionnel. N'est-ce pas ce que je viens de te faire? Bah, en fait, je m'en étais pas rendu compte, mais maintenant tu me dis oui. Et tu vas te dire, mais pourquoi est-ce qu'il me parle de ça? Mais oui, pourquoi tu me parles de ça d'abord? Bah, parce que ça me fait plaisir de te retrouver pour cette nouvelle capsule. Ah, j'avais pas vu venir non plus, celui-là. Ok. Et c'est marqué que c'est souvent conçu pour manipuler les autres. Donc là, tu es ma marionnette. Ah, d'accord. Tu vois. Okay. C'est-à-dire que je sais très mal m'en servir, mais j'arrive à te manipuler quand même pour faire n'importe quoi. Moi, je suis le putain de bon client là-dessus. Heureusement que j'ai pas affaire dans mon entourage qu'à des gens qui profite de ça. Parce que l'art de manipuler, c'est un bouquin qu'il faudrait que je lise quand même. Moi aussi, par contre, pour me défendre. Ouais, je pense. Ouais. Bah, techniquement, c'est ce qu'ils disent dans le bouquin. En fait, il sert pas à manipuler les autres, il sert à défendre de ceux qui essayent de te manipuler. Ouais, bah oui, non, mais je comprends. Donc, moi, si tu connais les armes des autres, tu peux peut-être mieux t'en défendre. Exactement. Yeah. Exactement. Est-ce que tu ne ferais pas un petit générique? Ok. J'espère qu'on se trompe pas de groupe. Bon, ça arrive tellement souvent. Il y a pas de raison. Et oui, parce que on va vous parler d'un groupe qui est un peu plus dans la, en fait, qui est moins dans la partie mélodique et qui est plus dans la partie hardcore, on va dire. D'accord. Par contre, je suis légèrement déçu, par contre. Deux. T'as pas comme l'impression que j'ai. Ah, pardon! Évolué au niveau de Alors, je te jure que quand tu l'as fait, si, mais je me suis pas. Tu t'es pas arrêté là-dessus. Non, mais parce qu'en vrai, si, parce que tu t'es entraîné ça grave. Pas tant, mais je viens de me surprendre moi-même. Ah. Autant. Mais j'ai remarqué que j'étais un petit peu déçu parce que t'avais pas remarqué. Écoute, j'ai pas remarqué. T'as vu ma tête? J'ai écarquillé les yeux et j'ai tout de suite regardé si tu faisais pas saturer. Donc c'est bien une preuve. C'est au moment où j'ai fermé les yeux parce que j'ai tout donné. Ah non, j'ai vraiment regardé en mode putain, il va faire saturer. Donc je me suis dit, comme quoi, il y avait du coffre. Ouais. Comme quoi. Donc peux-tu nous dire quand même de quel groupe on va parler? Alors j'espère qu'on va parler de Guilt Trip. On va effectivement parler de Guilt Trip. On va dire qu'on est sur une partie bien moins mélodique du hardcore, mais bien plus efficace en termes de bagarre. Donc Guilt Trip, qui est un groupe anglais, qui vient du Royaume-Uni, bien sûr, qui est déjà venu au Hellfest en 2022, mm-hmm. pour la double édition, et qui revient. Et pourquoi je t'ai parlé de culpabilité au début, c'est parce que Guilt Trip, ça veut dire voyage de culpabilité. Ok. Parce que D'accord. Guilt, c'est coupable, Trip, c'est voyage. Voyage de coupable. Ok. Ce qui ne veut rien dire. Donc, ils sont originaires de Manchester et fondés en 2015. Ça veut dire que le groupe a déjà 10 ans. Ah ouais, ok. Eh bah, ça va très vite, hein. Ah bah, 10 ans, c'est vite fait en même temps. Après, de 2015 à donc 2023, ils ont sorti 1, 2, 3, 4 albums. Tiens, c'est ce que j'ai oublié de dire sur Monkey Tree. Ils avaient plein d'albums. Ouf. Ils en ont moult. T'as essayé de les compter? Oui, bah j'ai la liste normalement, j'ai juste pas du tout lu. Donc ils ont sorti un album assez régulièrement, parce que pour avoir 4 albums et un EP, et le dernier album date de 2023, donc il y aurait, pourquoi pas, sûrement bientôt un nouvel album. Mm-hmm. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe de potes en fait. C'est deux meilleurs amis qui se connaissent depuis l'âge de 4 ans. Ils ont été à l'école ensemble, ils ont grandi ensemble, ils ont fait des groupes ensemble, enfin ils ont plus fait des groupes, et à 18 ans, ils ont décidé de former Guilt Trip ensemble. Ok. Ils ont été à l'école de musique, là où ils ont trouvé d'autres membres, et en fait, avec le temps, le groupe a évolué et a changé assez régulièrement de membres, jusqu'à aujourd'hui arriver à une certaine stabilité. Par contre, j'avais un problème d'info que j'ai toujours pas réussi à bien valider. C'est-à-dire que pour moi, ils sont 5, si je dis pas de conneries. Ouais. Et ils ont récupéré une bassiste il y a un an et quelques, et j'ai pas vu. Enfin, techniquement, si, elle prenait la place d'un autre bassiste. Ouais. Qui a disparu et je ne sais pas pourquoi. L'info doit être quelque part sur internet, okay. Et je n'ai pas trouvé, okay, de pourquoi il c'est est parti. C'est sûr qu'il a été remplacé. Alors, il a été remplacé, oui. Il est parti, il s'est fait virer. Je n'ai pas trouvé l'info. D'accord, ok. Alors, j'ai pas trouvé l'info parce que le mec a le même blaze qu'un autre gars, ou c'est lui, et je ne le reconnais pas du tout. Enfin, il y a un truc que je n'ai pas réussi à m'expliquer. J'ai cherché, j'ai creusé, j'ai pas trouvé. Mais dans le milieu, ça s'appelle faire une par-ci. Donc, ils se considèrent comme faisant du crossover par. Deux ouais. fois. Crossover, okay. Metallic Hardcore. Okay. Et en termes. En fait, c'est un peu un groupe de do-it-yourself qui sont méga fans de tout faire par eux-mêmes, mais surtout d'être le plus sincère, le plus juste envers eux-mêmes et surtout d'être en termes d'authenticité. Tu vois, ils sont vraiment dans ce délire-là, quoi. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est être le plus authentique possible. D'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est... Ça sonne bizarre de le dire en vrai. Ouais. Quand tu veux être authentique, tu te poses pas la question, tu fonces, tu fais. Enfin, tu vois ce que je veux dire. D'accord, mais tu veux dire qu'à partir. Dans ce sens-là. Hein. Je comprends ce que tu dis. Ce sont des méga fans de Malvolence, qui est aussi un autre groupe dans le même style. Ok. Qui a été là avant eux et qui, en fait, selon les dires des membres, en fait, c'est. Quand le groupe passait par chez eux, ils allaient le voir et ils trouvent que c'est ce groupe-là qui a ouvert un peu la voie pour eux. Tu vois, ce groupe-là, en fait, a montré, voilà, okay, le hardcore. Qui leur a servi de moteur, quoi, peut-être. Voilà, de moteur, d'inspiration, et qui a servi à un peu casser les codes pour dire on peut faire ce genre de musique. Okay. Il n'y a pas de problème, parce qu'aujourd'hui, même ils tournent ensemble et tout, donc c'est vraiment leur super poteau, quoi. Ok, ok. Pour te donner un ordre d'idée, c'est un peu comme Chargot et Versatile. Ah, oh, ok. Voilà, d'accord, ok. Les uns inspirent l'autre, se suivent, mais se soutiennent. Voilà, ouais, en gros, c'est un peu. C'est très cool. Tu vois, quand. Et oui, il faut avoir les refs, hein, les gens, ceux qui écoutent le podcast, il faut avoir les refs. Et ouais. Et par exemple, petite question, qu'est-ce que toi tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans un groupe de musique? C'est quoi le conseil que tu donnerais? Ah, bah, d'être le plus authentique, le plus sincère possible, hein, sans se prendre la tête. Non, bah, écoute, moi, j'ai pas vraiment de vrai conseil à donner, si ce n'est que si t'as envie, il faut foncer, faut pas se prendre la tête, si tu ressens le besoin. S'il y a quelque chose à l'intérieur qui te pousse à le faire, il y a rien qui doit te retenir de le faire, logiquement. Donc, en vrai, naturellement, les choses doivent se faire d'elles-mêmes, hein, quand t'es dans cette position-là. Eh ben, tu as donc le même façon de penser que Tom, qui dit « Soyez simplement vous-même, faites simplement ce que vous voulez faire et respectez-le. Ne changez jamais pour personne, faites ce que vous pensez être bon pour votre musique et votre son. » Voilà. Mais, qu'est-ce qu'il a dit, Jack? Pas moi, Jack, de truc. Jack, il pense pas tout à fait pareil. Il dit non, bah si, mais il est un peu plus radical. D'accord. Mon seul conseil serait ne coupez pas les coins ronds de quelque manière que ce soit. Ah oui, ok, d'accord. Car vous le regretterez toujours. Mais si vous le regrettez, ne vous inquiétez pas, car vous apprenez de vos erreurs. Mais ne lésinez pas et ne sortez pas quelque chose parce que vous êtes pressé. Oui, oui, ça sert surtout à pas sortir un truc à moitié donné, à moitié investi, quoi. Ouais. Après, quand on parle souvent des groupes, tu sais que nous, on le fait parce que c'est un peu notre taf. On essaye de donner un genre qui sont plus en fait des bases pour que les gens se rendent compte un peu de quoi on parle. Mm-hmm. Et tu vois, bah, par exemple, Guilt Trip, eux, ils aiment pas donner un genre. C'est pas un genre ou un style de son, c'est plus un style de vie. Guilt Trip, tu vois. Musicalement, oui, eux, c'est ça, tu vois. Ouais. Donc, comme on en a pas vraiment dit, mais Guilt Trip, en termes de hardcore, c'est du son lourd, c'est de la violence, c'est de la bagarre, ça, c'est vraiment, c'est un groupe taillé pour la Warzone, taillé pour aller se taper. Oui. Et en fait, tu vois, c'est là où on voit la différence avec ce qu'on a pu dire dans une autre capsule, à savoir Defeater, c'est que il y a pas de côté mélodique parce que tu sens qu'ils défendent pas les mêmes histoires. Ça veut pas dire que leurs textes sont pas intéressants pour autant, mais ils sont pas sur le même. La même façon. Voilà, le même propos. Ils sont pas sur le même propos. Du coup, je pense que c'est le moment où je vais pouvoir te demander, toi, ce que t'en as pensé, parce que toi qui n'es pas un mec du hardcore, mais qui commence un peu à t'ouvrir, et ben là, forcément, tu vas avoir un ressenti peut-être différent. Oui, complètement. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, parce que je sais pas si tu te souviens, il y a une semaine ou deux, quand on devait déjà enregistrer ces capsules, parce qu'il y a une semaine et demie, on a dit forfait tous les deux. On avait regardé un petit peu. On avait regardé tout ça, et puis après, on a voulu faire, on a fait forfait, et entre deux, je t'avais envoyé un message pour dire, putain, j'ai dû me planter, j'ai mis deux groupes de hardcore, c'est pas possible. Et au final, aujourd'hui, je trouve que c'est pas si déconnant. Tellement la proposition dans les cinq, parce que je parle des cinq capsules en fait, dans les cinq capsules entre Defeater et Guilt Trip, ça fait deux groupes de hardcore, mais n'étant pas du tout la même proposition, c'est pas si déconnant de les avoir tous les deux au final. Clairement. Donc toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce groupe de la bagarre? Alors Guilt Trip, alors bah écoute, Là, c'est le hardcore, en tout cas à l'écoute, où justement, si vous avez écouté la capsule précédente, je suis pas dans le... Il y a pas de sentiment naissant. Dans le sens où, voilà, on est vraiment sur le hardcore où je vais pas ressentir les trucs qui m'attirent de base, quoi. Ok. Là, comme tu l'as dit, voilà, c'est on est dans l'énergie brute, on est dans la bagarre et tout ça. Donc, c'est vrai que moi, c'est pas ce qui va m'attirer à l'écoute. Parce que moi, je distingue vraiment l'écoute du live. Du live. Ouais. Donc, voilà. Pour toi, c'est deux expériences différentes? Totalement. Ok. Quelque chose que je vais pas, par exemple, alors, on va rester sur Guilt Trip. J'imagine qu'un live pourrait complètement me faire kiffer en vrai. Ok. Tu vois, même si je dois peut-être me tenir un peu loin des moulinets machin, parce que moi j'ai pas les codes de me retrouver au milieu de là-dedans et j'ai pas envie de perdre une chico. Mais je peux en tout cas kiffer dans les abords des énergumènes un petit peu trop vénères. Mais voilà, je peux quand même kiffer le live parce que voilà, quand tu vois des gars qui balancent énergiquement avec toute leur sincérité, ce que tu veux, bah tu peux que kiffer. Et puis pour peu que tu sois bien en forme, tu peux aller travailler le cardio. Et ça c'est cool. Mais en tout cas, voilà, bah c'est énergique, c'est efficace, bah ça fait pas de détour. C'est du gros son, hein. C'est très très très très gros son, ouais. Ça va droit au ring. Ouais. Tu vois, je voulais pas dire droit au but parce que bah on est plus dans un sport de combat, tu vois, multijoueur, tu vois. Ouais, le ring c'est pas mal. Ouais. Ouais, voilà. Ou alors ça pourrait être droit au but, mais il risque d'y avoir des cartons rouges et des sorties en civière. Alors ouais, il y a des chances. Mais bon, ça passe quand même en vrai. Ouais, mais bon, voilà, donc après ça reste cool, hein. Je suis pas non plus en mode oh là là, tu vois, voilà, je commence à avoir l'oreille habituée, je commence même à pas être complètement rebuté. Enfin, ouais, j'ai jamais été vraiment rebuté, même si des fois la violence comme ça, et encore on en a écouté des bien pires, bien pires. Je dirais pas que c'est gentil, et loin de là, attention. Non mais tu vois, c'est un truc où on s'habitue en fait. Ouais. Tu t'habitues à ça et en fait à partir d'un moment, tu considères bon, tu sais que c'est violent, mais tu le considères plus pareil. Toi, tu le réceptionnes plus pareil. Ouais, mais... puis on. Après, alors c'est un ressenti. Alors peut-être que c'est biaisé par le fait que je les ai vus un peu, mais ça s'entend un peu le côté un peu jeune groupe dynamique. Il a 10 ans, ça reste un jeune groupe ça en vrai. Ça reste un jeune ans, groupe. Et puis à l'image, ils ont l'air jeunes. Ouais, ils ont encore l'air jeunes. Ouais. La grosse niaque, la grosse patate. Ouais. Ça reste efficace, c'est énergique. Enfin, voilà. Hein. En live, je pense que il y a bien moyen que ça réserve une bonne surprise. Après, je reste quand même sur mon écoute et sur mon attirance de base. J'aurais plutôt tendance à dire faire un tour parce que je sais que je pourrais y passer un bon moment, mais si je reste sur mon plaisir auditif, quoi, des oreilles, tu vois. Celui-là, pas l'autre. Non, pas l'autre. Moi, sinon, c'est ça fait débat. mais bah écoute, aller faire un tour, je pense que pour moi, c'est la bonne décision. Réfléchi, quoi. En tout cas, c'est très intéressant de voir justement cette distinction que tu te fais entre les deux, parce que en fait, ça m'a fait exactement penser à. Alors, je parle encore une fois du graphe, mais c'est parce que ça m'a fait penser au côté la claque que j'ai pris visuellement avec Chargot, j'ai trouvé en live incroyable, mais qu'à aucun moment ça m'a donné envie d'aller écouter en album. Oui, en fait. Voilà, ouais. Et donc là, toi, t'es dans cet effet-là, mais pour le coup, l'effet inverse, l'écoute, t'as pas trop plu, mais tu préchotes le fait que en live ça peut être incroyable. Je peux passer un bon moment tout ça, mais je resterai quand même sur le fait que c'est pas parce que live sera trop bien que ça sera trop bien que j'écouterai voilà. C'est je ça. Resterai sur le côté c'est un groupe de live, c'est un groupe de live, tu peux passer un bon moment et peut-être que tu n'iras que les voir en live. Du coup, c'est pour ça que je te dis, ça fait comme moi avec Chargot. J'ai pas du tout envie de réécouter Chargot. Par contre, j'ai plus envie de revoir Chargot. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. C'est dans cet ordre-là. Donc, il y a des groupes effectivement qui fonctionnent comme ça. Après, ça peut dépendre du style et tout, mais bien sûr. J'ai aussi oublié de préciser, c'est qu'eux, ils avaient un rêve, c'était d'arriver à jouer au Download en Angleterre, tu vois. Ah ouais, ok, d'accord. Alors que bon, bah, ils vont jouer au Hellfest, mais c'est pas parce qu'ils l'ont déjà fait. C'est pas leur rêve. C'est pas leur rêve. Et ça arrive, hein. Ça arrive. Ça arrive. Eh ben écoute Tonaï, ça va peut-être être la plus courte des capsules, mais bah oui, ça fait que 14 minutes. Ah non. Donc je pense qu'on va tranquillement meubler jusqu'à 15 parce qu'on parce que quand même on est quand même un peu des ah ouais. On est un peu des gens comme ça. Bah ouais. Mais après, tu sais, rappelle-toi, regarde, Stinky, que t'avais été voir en live, ouais. T'avais bien kiffé, mais je me souviens plus ce que t'en avais pensé sur album. T'avais bien aimé aussi ou... Sur album, alors je crois que ça m'avait assez... Enfin, il y avait quand même une espèce de, d'ambiance quand même qui m'avait un petit peu plu et tout. Mais après, voilà, c'était pas... Ça m'a pas attiré plus que ça. D'accord. Après, c'est vrai que le live... Ben, et puis bon, faut... Alors, là, tu vois, par exemple, comparé à Guilt Trip, je trouve que c'est encore un peu plus violent. Ah mais oui c'est ouais, mais je trouve qu'il y a quand même que Guilt Trip est plus violent. Non. Stinky. Ouais, mais je ressens peut-être plus. Non, une ouais, non. Ah, non, mais attends, je ressens peut-être plus une espèce de souffrance intérieure dans ce qu'il propose, tu vois. Et des fois, jauger les souffrances, c'est pas forcément évident. Là, on est dans la bagarre, ok. Stinky, je sais pas, je ressens plus. Alors, c'est peut-être pas le mot violent, mais je ressens plus une espèce de souffrance dans ah, le chant. Ah, là, d'accord, un truc, oui, vois, d'accord. Un truc plus, oui, ah, oui, d'accord. Plus intérieur, tu vois. Ok, plus ouais, d'accord. C'est peut-être sur ce côté-là. Mais oui, non, mais c'est possible, c'est possible. Donc voilà. Ok, très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Tonaï. Eh ben, de rien. Et puis, bah, je te dis à la prochaine capsule. Bah, très vite. Allez, salut. Tchou-tchou.